Chapitre 5. Les conjureurs d'esprit. Il y avait, dans ce moment-là, deux nouvelles qui faisaient grand bruit dans le domaine de Rosenberg. La première, c'était le départ du baron Wilbold de Eisenfeld. La seconde, c'était l'arrivée du chevalier Thorald. Le chevalier Thorald était un beau jeune homme de 21 à 22 ans, qui avait déjà, quoique bien jeune encore, comme on le voit, parcouru les principales cours d'Europe, où il avait acquis une grande réputation de courage et de courtoisie. En effet, c'était un cavalier des plus accomplis, et l'on racontait sur son éducation des choses merveilleuses. On disait que, tout enfant, il avait été confié au roi des nains, qui lui-même, étant un prince très savant en toutes choses, avait juré d'en faire un seigneur accompli. Il lui avait donc appris à lire les manuscrits les plus anciens, à parler toutes les langues vivantes et même les langues mortes, à peindre, à jouer du luth, à chanter, à monter à cheval, à faire des armes et à jouter. Puis, lorsqu'il eut atteint l'âge de 18 ans et que le roi, son tuteur, le vit arriver au point de perfection en toutes choses auxquelles il avait désiré l'amener, il lui avait donné le fameux cheval Bucéphale qui ne se lassait jamais, la fameuse lance du chevalier Astolphe qui renversait de leurs arçons tous ceux qu'elle touchait avec sa pointe de diamant, et enfin la fameuse épée Durandal qui brisait comme verre les armures les plus fortes et les mieux conditionnées. Enfin, à ces présents déjà fort précieux, il avait ajouté un don plus recommandable encore. C'était celui d'une bourse dans laquelle il y avait toujours 25 écus d'or. On comprend le bruit que l'arrivée d'un si preux chevalier fit dans la contrée. Mais presque aussitôt, après avoir traversé le village de Rosenberg, monté sur son bon cheval, armé de sa bonne lance et ceint de sa bonne épée, il avait disparu et personne n'en avait plus entendu parler. Il va sans dire que ce mystère n'avait fait qu'augmenter dans les environs la curiosité qui s'attachait au chevalier. On disait bien qu'on l'avait vu le soir se balancer devant le château de Wisgave sur une barque qui, malgré le cours rapide du Rhin, se tenait immobile comme si elle eût été à l'ancre. On disait bien qu'on l'avait aperçu un luth à la main sur la pointe d'un haut rocher qui s'élevait en face des fenêtres de Hilda et sur lequel jusque-là les faucons, les gerfaux et les aigles avaient seuls posé leurs serres. Mais tous ces récits n'étaient que de vagues rumeurs et personne ne pouvait dire positivement avoir rencontré le chevalier Thorald depuis le jour où, armé de toutes pièces et monté sur son cheval, il avait traversé le village de Rosenberg. La main de feu, comme vous l'avez vu, avait donné au baron de Wilbold 7 jours pour se repentir. Mais celui-ci, toujours poussé par les mauvais conseils du chevalier Hans de Warburg, était bien résolu à ne point revenir sur ses pas et, pour s'affermir dans cette résolution, il avait décidé qu'il passerait les 3 derniers jours en fête et en orgie. Ce qui lui donnait d'ailleurs un prétexte, c'était la célébration du jour anniversaire de la naissance de sa fille, qui tombait justement le 8 de mai. Hilda était née dans le mois des roses. Au reste, le chevalier Hans avait un motif pour venir plus souvent qu'il ne l'avait jamais fait chez son ami le baron de Wilbold. Il était devenu fort amoureux de la belle Hilda, et, quoiqu'il eût 45 ans au moins, c'est-à-dire 3 fois l'âge de la jeune fille, il ne s'ouvrit pas moins à son ami de ses projets d'alliance. Celui-ci n'avait ni accepté ni refusé l'offre du chevalier. Cependant, il lui avait laissé comprendre qu'il lui ferait plaisir en essayant de plaire à Hilda, ce qui ne serait probablement pas difficile à un brave, galant et spirituel chevalier comme lui. À partir de ce moment, le chevalier Hans avait donc redoublé de soins et d'attention pour la gracieuse dame de ses pensées, laquelle avait reçu toutes ses démonstrations d'amour avec sa retenue et sa modestie habituelles, et comme si elle ignorait complètement dans quel but les compliments de Hans lui étaient adressés. Le 5e jour après l'apparition de la main de feu était donc le jour anniversaire de la naissance de Hilda, et, selon les projets de passer les 3 jours suivants en fête, le baron Wilbold avait invité tous ses amis à un grand dîner, et comme on le pense bien, il n'avait pas oublié dans ses invitations son bon et inséparable compagnon, le chevalier Hans de Warburg. Les convives étaient réunis, On venait de passer dans la salle à manger, et chacun allait prendre à la table la place qui lui était destinée, lorsqu'on entendit le bruit du cor, et que le majordome annonça qu'un chevalier venait de se présenter à la porte du château de Eisenfeld, demandant l'hospitalité. « Pardieu ! » dit le baron. « Voilà un gaillard qui a bon nez. Allez lui dire qu'il est le bienvenu, et que nous l'attendons pour nous mettre à table. » 5 minutes après, le chevalier entra. C'était un beau jeune homme de 20 à 22 ans, aux cheveux noirs et aux yeux bleus, se présentant avec une aisance qui indiquait que, dans ses voyages, il avait l'habitude de recevoir l'hospitalité des plus hauts seigneurs. Sa haute mine frappa à l'instant même tous les convives, et le baron Wilbold, voyant à qui il avait affaire, voulut, comme à son hôte, lui offrir sa propre place. Mais l'inconnu dénia cet honneur, et après avoir répondu à l'invitation du baron Wilbold par un compliment plein de courtoisie, il prit à la table une des places secondaires. Personne ne connaissait le chevalier, et chacun l'étudiait avec curiosité. Hilda seule tenait les yeux baissés, et quelqu'un qui l'eût regardée au moment où le chevalier apparaissait sur le seuil de la porte aurait pu remarquer qu'elle rougissait. Le repas était somptueux et bruyant. Les vins surtout n'étaient point ménagés. Le baron Wilbold et Hans se faisaient remarquer par la courtoisie avec laquelle ils se portaient et se rendaient les santé. Il était bien difficile que le dîner se passât sans qu'il fût question des apparitions du château de Wisgave. Le chevalier Hans se mit à railler le baron sur les terreurs que lui inspiraient les apparitions, terreurs que ce dernier avouait avec toute la franchise d'un homme courageux. « Pardieu, mon cher chevalier, dit le baron, j'aurais bien voulu vous voir à ma place, quand cette terrible main de feu écrivait sur la muraille ce fameux quatrain dont je n'ai pas oublié une seule syllabe. » « Illusion !» reprit Hans. « Rêve d'un esprit frappé, je ne crois pas aux fantômes, moi. »« Vous n'y croyez pas, parce que vous n'en avez pas encore vu. Mais si vous en voyez quelqu'un, que diriez-vous »« Je le conjurerais !» dit Hans en frappant bruyamment sur sa grande épée. « De manière à ce qu'il ne reparût jamais en ma présence, je vous en réponds. »« Eh bien, » dit le baron Wilbold. « Une proposition, Hans. »« Laquelle ?» Conjure l'esprit de madame la comtesse Berthe, de manière à ce qu'elle ne revienne jamais dans le château de Wisgave, et demande-moi ce que tu voudras. Ce que je voudrais ? Oui, répondit le baron. Prends garde, dit en riant le chevalier. Conjure l'esprit de la comtesse Berthe et demande hardiment. Et quelque chose que je te demande, tu me l'accorderas ? Foi de chevalier. Même la main de la belle Hilda ? Même la main de ma fille. « Mon père !» dit la jeune châtelaine avec l'accent d'un léger reproche. « Ma foi, ma chère Hilda !» reprit le baron que quelques verres de Tokay et de Braunberger avaient échauffés. « Ma foi, j'ai dit ce que j'ai dit. Chevalier Hans, je n'ai qu'une parole. Conjure l'esprit de la comtesse Berthe et ma fille est à toi. »« Et accorderez-vous pareille récompense, sire baron ?» demanda le jeune étranger. « À celui qui accomplira l'entreprise lorsque le chevalier Hans aura échoué ?»« Lorsque j'aurai échoué ?» s'écria Hans. « Ah ça, vous supposez donc que j'échouerai ?»« Je ne le suppose pas, chevalier, » répondit l'inconnu avec un accent de voix si parfaitement doux qu'on eût dit que ses paroles sortaient de la bouche d'une femme. « Vous en êtes sûr, voulez-vous dire alors ? Corbleu, monsieur l'inconnu !» dit le chevalier en grossissant sa voix. « Savez-vous que c'est fort impertinent ce que vous me dites là ?»« En tout cas, la question que j'adresse à messire Wilbold de Eisenfeld ne peut porter aucun préjudice à vos projets de mariage, seigneur chevalier, puisque ce n'est qu'après que vous aurez échoué qu'un autre se présentera. Et quel est cet autre qui se présentera pour accomplir une entreprise où le chevalier Hans aura échoué ?»« Moi, » dit l'inconnu. « Mais, » dit le baron, « pour que j'acceptasse votre offre, toute courtoise qu'elle est, mon cher hôte, il faudrait d'abord que je susse qui vous êtes. »« Je suis le chevalier Thorald, » dit le jeune homme. Le nom s'était répandu dans toute la contrée, d'une façon si avantageuse qu'à ce nom tous les convives se levèrent pour saluer celui qui venait de se faire connaître. Wilbold ne crut même pas pouvoir se dispenser de faire un compliment courtois au jeune homme. « Chevalier, dit-il, tout jeune que vous êtes, votre nom est déjà si avantageusement connu qu'une alliance avec vous serait un honneur pour les plus fières maisons. Mais je connais le chevalier Hans depuis 20 ans, tandis que j'ai l'honneur de vous voir pour la première fois. Je ne pourrais donc, en tout cas, accepter l'offre que vous me faites qu'en soumettant votre proposition à l'approbation de ma fille. » Hilda rougit jusqu'au blanc des yeux. « Je me suis toujours promis, » dit Thorald, « de ne prendre pour épouse qu'une femme dont j'aurai la certitude d'être aimée. » Depuis que le chevalier s'était nommé, Hans gardait le plus profond silence. « Eh bien, chevalier, » dit le baron, « puisque vous soumettez la chose à l'approbation de ma fille, et puisque vous laissez la priorité de l'épreuve à mon ami Hans, je ne vois pas pourquoi, sauf plus profond examen de votre famille, je ne vous donnerai pas même parole qu'à lui. Ma famille marche de pair avec les premières familles d'Allemagne, messire baron. Il y a même plus, » ajouta le chevalier Thorald en souriant. « Et je vais vous annoncer une nouvelle dont vous ne vous doutez pas. C'est que nous sommes quelque peu parents. »« Nous, parents ?» s'écria Wilbold avec étonnement. « Oui, messire, » répondit Thorald, « et nous éclaircirons tout cela plus tard. Pour le moment, il n'est question que d'une chose, c'est de conjurer l'esprit de la comtesse Berthe. »« Oui, » reprit Wilbold. « J'avoue que c'est l'affaire que je suis le plus pressé de voir terminée. » « Eh bien, » dit Thorald, « que le chevalier Hans tente l'épreuve cette nuit, et moi, je la tenterai la nuit prochaine. »« Parbleu !» dit Wilbold. « Voilà ce qui s'appelle parler, et j'aime qu'on mène les affaires avec cette rondeur. Chevalier Thorald, vous êtes un brave jeune homme, touchez-la !» Et Wilbold tendit au chevalier une main que celui-ci serra en s'inclinant. Hans gardait toujours le plus morne silence. Wilbold se retourna de son côté et vit avec étonnement qu'il était très pâle. « Eh bien, camarade Hans, » lui dit-il, « voilà une proposition faite pour te plaire, et puisque tout à l'heure tu avais tant de hâte à te trouver en face des esprits, tu dois remercier le chevalier Thorald qui t'offre l'occasion de les voir cette nuit même. »« Oui, certainement, » dit le chevalier. « Certainement. » « Mais ce sera inutile et j'aurai perdu mon temps, les esprits ne viendront pas. »« Vous vous trompez, chevalier Hans, » répondit Thorald du ton d'un homme qui est sûr de son fait. « Ils viendront. » Hans devint livide. « Après cela, » dit Thorald, « si vous voulez me céder votre tour, chevalier Hans, j'accepterai avec reconnaissance et j'essuierai le premier feu des fantômes. » Peut-être seront-ils moins terribles à une seconde épreuve qu'à une première. « Ma foi, chevalier, » dit Hans, « passer le premier ou le second, cela m'est absolument égal. Et si vous tenez à passer le premier... »« Non pas, » dit Wilbold. « Je maintiens les choses comme il a été convenu. Gardez vos rangs, messieurs. Hans ce soir, le chevalier Thorald demain, et ainsi donc... » Il remplit son verre et le leva. « À la santé des conjureurs d'esprit !» dit-il. Chacun fit raison au baron, mais celui-ci s'aperçut, à son grand étonnement, que la main du chevalier Hans tremblait en portant son verre à sa bouche. « C'est bien !» dit Wilbold. « Après le dîner, nous partirons. »